Pardonne-moi mon peuple, mon peuple, mon ami. Pardonne-moi, j'ai menti. La manne que je t'ai promis, je ne l'ai jamais vue. Ce que je pouvais vraiment faire, je ne l'ai jamais su. J'aurais dû me taire, mais alors je serais passé inaperçu. Je voulais être élu. Pour moi, mesdames et messieurs, si vous avez cru que je ferais mieux, je disais, je suis le changement. Vous auriez dû comprendre, je mens. À vous qui vivez dans la peur, j'avais promis le bonheur, rien de moins qu'un monde meilleur. Avouez, je vous ai même soutiré des pleurs. Je voulais être élu. Nous allons boucher les trous dans votre budget comme nous bouchons si bien les trous dans les rues. Nous allons prendre soin de votre bonheur psychique comme nous prenons si bien soin de votre santé physique. Nous allons protéger les canards, les écureuils, les sapins et les fleurs contre la menace de la bande des communistes et de toutes sortes. Nous allons repeupler le pays en nous inspirant des mœurs des abeilles, des coquerelles et des lapins. Cuckoo, cuckoo.